Bonjour Florence, bonjour Damien. Vous êtes deux exemples de néo-ruraux. Florence, vous avez quitté Paris pour un petit village du Gers. Et vous, Damien, vous avez abandonné la région parisienne pour une maison isolée en pleine montagne. La première chose peut-être à expliquer à nos téléspectateurs, c'est pourquoi vous avez quitté la ville. Florence ? Eh bien d'abord, le temps perdu dans les transports. En semaine, c'était difficile de profiter de la vie culturelle parisienne. Le week-end, on passait beaucoup de temps à faire les courses, avec des files d'attente partout. On a proposé à mon mari un poste en province. Et moi, j'ai eu la possibilité de demander une mutation pour le suivre. Et vous, Damien ? Alors moi, j'en avais assez du stress parisien, des embouteillages, de la pollution, du rythme d'enfer. Je voulais un cadre de vie plus sympathique pour ma famille. Je ne voulais pas voir mes enfants grandir dans le stress et la pollution. Vision bien négative de la capitale. Et dites-nous, quels sont les avantages de votre nouvelle vie ? Première chose, l'espace. Avant, nous avions un appartement de 55 mètres carrés. Maintenant, nous habitons une maison de 200 mètres carrés, dans un village de 300 habitants. C'est la campagne, moins peuplée que les parcs parisiens. Nous organisons mieux notre temps. On peut faire plus de choses en une seule matinée. Impossible à Paris. Et les trajets sont plus courts. Moi, je suis bien plus efficace quand je travaille à la maison. Je suis mieux organisé dans mon travail et plus cool quand je vais au bureau deux jours par semaine. En plus, j'ai un logement beaucoup plus grand et nous avons plus d'activités le week-end. Alors pour vous, il n'y a que des avantages. Mais il n'y a pas d'inconvénients ? Damien ? Si, bien sûr. Le TGV, une nuit par semaine à Paris, ça coûte cher. Et je suis loin de ma famille. Mais ce n'est pas trop grave. Et pour vous, Florence, tout est positif ? Des inconvénients, il y en a très peu. Il y a moins de sorties culturelles, mais tout le reste est positif, c'est vrai. Et Toulouse n'est pas très loin. Merci à vous deux. Je vous propose à présent un reportage sur une association qui aide les néo-ruraux à s'installer dans le Gers.